veillée coranique sollicitée par le grand frère Ali Dongosi en faveur de son ami et promotionnaire Bema Gaga aux funérailles de la mère de ce dernier, c'est-à-dire ma tante Adia. Cette lecture est faite par Eladj Abou Arous le 13 juin 1984 à Sokurara, Bondoukou.